la première chose que je fis fut de satisfaire ma curiosité en parcourant toute la ville, quand ce n'eût été que pour faire un acte de ma liberté. J'allais voir monter la garde. Les instruments militaires me plaisaient beaucoup. Je suivis des processions. J'aimais le faux-bourdon des prêtres. J'allais voir le palais du roi. J'en approchais avec crainte. Mais, voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux. On me laissa faire. Peut-être dus-je cette grâce au petit paquet que j'avais sous le bras. Quoi qu'il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me trouvant dans ce palais. Déjà, je m'en regardais presque comme un habitant. Enfin, à force d'aller et venir, je me lassais. J'avais faim, il faisait chaud. J'entrai chez une marchande de l'étage. On me donna de la junca, du lait caillé, et, avec ces deux grises de cet excellent pain de Piémont que j'aime plus qu'aucun autre, je fis pour mes 5 ou 6 sols un des bons dîners que j'ai fait de mes jours. Il fallut chercher un gîte. Comme je savais déjà assez de piémontais pour me faire entendre, il ne me fut pas difficile à trouver, et j'eus la prudence de le choisir plus selon ma bourse que selon mon goût. On m'enseigna, dans la rue du Pot, la femme d'un soldat qui retirait à 1 sol par nuit des domestiques hors de service. Je trouvai chez elle un grabat vide et je m'y établis. Elle était jeune et nouvellement mariée, quoiqu'elle eût déjà 5 ou 6 enfants. Nous couchâmes tous dans la même chambre, la mère, les enfants, les hôtes. Et cela dura de cette façon tant que je restai chez elle. Au demeurant, c'était une bonne femme, jurant comme un charretier, toujours débraillée et décoiffée, mais douce de cœur, officieuse, qui me prit en amitié, et qui même me fut utile.